bongo na nga biblia Jérémie 42 10 à 15 Moki Mathie Yembo na nzambe Eko kontayo Kaka esika yo Sako longwate Iyando na lola Eko kontayo Kaka esika yo Sako kimate Kopepa molimo Eza kodeta Ona kopesa Iyando na yo Ilomba ezali Yoko kimate Tangwe kokipo Zambea Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de rendre possible ce qui était impossible dans votre vie, bien-aimée. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de fuir. C'est le temps du Saint-Esprit. Alléluia. Mungu wa ushindi, Mungu wa uwezo, nzela.